Mosaïque. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque, animation Pacifique Chubahiro. Le respect des droits de l'homme est un des piliers de la démocratie. Différents rapports des organisations des droits de l'homme, tant au niveau international que national, reviennent régulièrement sur l'état des lieux des droits de l'homme au Burundi. Un cadre des Nations Unies se basa sur ces rapports a conclu fin avril que le Burundi était un abattoir à l'instar d'autres pays comme la Syrie. Des propos qui ont choqué plus d'un dans le rang du gouvernement burundais. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, vient d'être placée dans le statut B, perdant du coup sa notoriété en tant qu'une organisation indépendante. Des points de vue controversés sur la situation des droits de l'homme au Burundi font légion et de nous demander, y a-t-il des signes de violation des droits de l'homme au Burundi? Sur quoi se fondent les rapports produits sur ces violations des droits de l'homme? Quel est le rôle de ces organisations dans la production de ces rapports? Quelle est la conséquence de la décision de soumettre la CNDH au statut B? Quels sont les défis dans ce domaine des droits de l'homme? Que faire surtout pour que le respect des droits de l'homme au Burundi soit une réalité? Et pour en parler dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous avons quatre invités dans nos studios. Nous accueillons Jean-Baptiste Balibonekeza, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour Monsieur Chubahiro, j'en profite aussi pour saluer les auditeurs de la radio Isangani. Merci. À notre invité, c'est Faustin Dikoumana, représentant légal de Parole et Action pour le réveil des consciences et des mentalités par SEM. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, merci de nous avoir invités. Pierre Ndouwayo, président de l'Association des consommateurs du Burundi, Abuko. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. Nous accueillons également Gérard Hakizimana, représentant légal de Falcon F, association qui lutte contre le népotisme au Burundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, c'est une organisation qui lutte contre le népotisme et le favoritisme au Burundi, que je préside. Merci. François Akimana assure la technique. Jérôme Nyonzima réalise cette émission Mosaïque. Pacifique Chubahiro est au micro. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Mosaïque. Jean-Baptiste Balibonekeza, au niveau de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, comment vous brossez la situation des droits de l'homme au Burundi? Oui, je vous remercie encore une fois de l'invitation et surtout du débat que vous engagez sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Je veux dire que dans l'ensemble, la situation des droits de l'homme dans le contexte actuel nous paraît normale. Et sur divers aspects et en tenant compte des différents indicateurs sur lesquels nous nous basons dans le domaine des droits de l'homme, que ce soit par exemple le niveau par exemple des arrestations arbitraires ou des détentions illégales, que ce soit le niveau par exemple des cas de torture qui nous sont rapportés, que ce soit le niveau des personnes qui nous saisissent pour une raison ou une autre, leur droit ayant été bafoué, et que ce soit surtout la relation entre l'État et la société civile et les médias. Donc en ce qui nous concerne, nous considérons la situation comme étant beaucoup meilleure par rapport à ce qu'on a vu dans le passé, y compris dans le passé récent, si vous voulez. Maintenant, cela ne veut pas dire que la situation est nette de toute violation des droits de l'homme. Ça veut dire qu'il y a toujours des cas, il y a surtout des problèmes assez important comme par exemple la question des réfugiés, la question du trafic des êtres humains, la question des violences basées sur le genre qui continue en fait à se manifester, ainsi que la question surtout des détentions préventives prolongées et qui en fait crée la congestion au niveau des prisons. Donc c'est des questions sur lesquelles nous continuons à travailler et sur lesquelles nous espérons pouvoir avoir des réponses dans le moyen terme. Mais je tiens à préciser encore une fois que quand nous disons que la situation des droits de l'homme s'est améliorée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violation. Cela veut simplement dire que les violations que nous constatons ne sont pas symptomatiques d'une crise. Cela veut dire que c'est des violations en fait qui peuvent être commises dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel pays, et que donc il faut continuer à adresser en utilisant les moyens institutionnels et juridiques disponibles. Je vous remercie. Faustin Dikoumana, est-ce que vous trouvez normal, comme vient de nous décrire le président de la CNDH en termes de respect des droits de l'homme au Burundi? Vous savez, moi, je voudrais, pour expliquer l'évolution du contexte de respect des droits de l'homme au Burundi, le placer dans le contexte historique. Vous savez que depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il y a eu d'abord l'engagement de plusieurs changements dans le monde. C'est la base même de la décolonisation, la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, la démocratisation, les luttes pour et la libération de certains dans certains pays. Même le Burundi, vous savez que dans le passé, avait connu beaucoup de cas de violation grave des droits de l'homme. Avec le processus alors de réconciliation qui a abouti à la signature de l'accord d'Arusha, la démocratisation, il avait eu l'amélioration du cadre global de protection par exemple des droits de l'homme. Ça veut dire quand la démocratie est là, quand la résolution pacifique des conflits devient est érigée en mode de gestion des affaires publiques, ça devient avancé. Le Burundi avait alors son cadre, ses garanties de stabilisation qui permettraient à améliorer le respect des droits de l'homme. Mais justement, avec la crise de 2015, les choses ont un peu reculé. C'est pour cela qu'il y a eu aussi un recul par rapport à ça qui tend à s'améliorer avec justement le recouvrement de cette sécurité. Mais globalement, on constate quand même que malgré ce cadre qui était amélioré avec la création des institutions, d'ailleurs, sont toutes très importantes dans le cadre de protection des droits humains, comme la CNDH, les autres institutions comme l'Ombudsman, il y a tout ça, la police, quoi, tout ça. Mais il y a encore des comportements visibles, incarnant vraiment les cas de droits humains, notamment l'atteinte au droit à la vie, à la propriété privée, on l'entend souvent, la liberté d'expression parfois bafouée, les disparitions forcées, les arrestations arbitraires, l'égalité par exemple devant la loi. Il y a des cas où on entend les cas de torture, les violences faites aux femmes impunies, problèmes au niveau des droits socio-économiques, l'éducation, la santé, cette pauvreté qui limite la satisfaction des besoins les plus vitaux citoyens. Donc globalement, c'est une situation à améliorer de toutes les façons, mais les atouts étaient là pour que les choses puissent avancer. L'essentiel, c'est qu'il y ait une volonté de vouloir faire bouger les choses dans le positif. Mais si le président de la CNDH décrit la situation comme une situation normale, malgré ces tortures, malgré toutes ces violations qu'il a lui-même citées, est-ce que vous-même vous trouvez ça normal? Non, nous sommes dans un contexte quand même de crise. Le Burundi sort petit à petit du contexte de crise. Il y a eu quand même des violations des droits de l'homme. Peut-être on pourrait discuter sur à qui il faut les imputer, à qui sont imputables ces violations, mais quand même, un pays qui se trouve dans une crise politique, il y a tendance à ce que les cas de violence des droits humains se multiplient plus que dans l'ordinaire. Plus le pays retrouve la stabilité, la normalisation, plus les choses avancent. Vous pouvez même constater ce qui se passait, par exemple, en 2015. Ce n'est pas la même chose qu'en 2017 ou en 2018. L'amélioration d'abord au niveau sécuritaire pour garantir à ce que les institutions fonctionnent normalement, mais jusqu'à maintenant, il y a des choses à améliorer pour permettre à ce que les institutions, la démocratie, les contre-pouvoirs puissent fonctionner pour que cette situation puisse s'améliorer. Mais j'ai dit qu'on part d'une base qui est déjà là, des institutions, des atouts qui sont là, qui permettraient à ce que les choses puissent avancer. Je me retourne du côté de l'association des consommateurs au Burundi. Pierre Ndouayo, comment décrivez-vous la situation des droits de l'homme au Burundi? Merci beaucoup. Et les présidents qui ont pris la parole, ils ont surtout parlé au niveau des droits civils et politiques, mais comme notre association œuvre dans le domaine des droits économiques et socio-culturels, et dans des périodes comme celle-ci où il y a des turbulences politiques, et les droits économiques sont vraiment oubliés. Sur ce terrain, nous constatons quand même qu'il y a une dégradation de la situation parce que, vous voyez, avec le début de la crise, dépréciation de la monnaie burundaise par rapport aux devises et le gel des appuis budgétaires a fait que les produits qui sont stratégiques importés ont connu des augmentations de prix très, très énormes, ce qui fait qu'au niveau du citoyen, citoyens, et il y a un certain appauvrissement. En deuxième lieu, avec la recherche par rapport à cet aspect, il y a le président de la CNDH qui évoque des cas de torture sans toutefois effleurer sur ses droits économiques. Vous pensez que également il faut prendre, envisager les droits de l'homme dans la globalité? Oui, c'est vraiment, ça devrait être vu dans la globalité, aussi bien sur le terrain des droits civils et politiques que les droits économiques et socioculturels. Mais dans des périodes de troubles comme celles que nous venons de passer, en fait, le deuxième aspect, les droits économiques et sociaux sont plus ou moins oubliés et on est plus interpellé par le terrain des droits civils et politiques. Mais je disais que en ce qui nous concerne, nous essayons aussi de suivre de près et nous constatons quand même que dans ces conditions, avec surtout la dépréciation de la monnaie burundaise, avec la recherche de l'indépendance économique suite au jet de certains appuis budgétaires, il y a certaines taxes qui ont été instaurées et cela constitue à dégrader le terrain des droits économiques et socioculturels. Je me retourne du côté de l'association Falcon F. Au niveau de votre association, Monsieur Gérard, comment appréciez-vous le respect des droits de l'homme ici au Burundi? Merci beaucoup. Moi, je dis que parler de la situation des droits de l'homme en oubliant les années passées, en oubliant l'histoire de notre pays, c'est un grand problème. C'est vrai, les droits de l'homme au Burundi, on connaît des problèmes avec la lutte pour l'indépendance, l'assassinat du prince Louis Guagasole, et en près de départ des violations des droits de l'homme au Burundi. Donc, on ne fait pas que les gens se trompent, parce que dans ces violations des droits de l'homme, que s'observe, il y a des similitudes avec la situation antérieure. Soit les auteurs de violations sont habitués à tuer pour ne pas être poursuivis par la justice, soit il y a des vengeances, ou soit les gens peuvent dire qu'ils sont en train de se défendre. Ce que nous apprécions sur la situation, c'est la situation des droits de l'homme, on commence au niveau du gouvernement. Il y a des institutions. Qui est là pour garantir la situation des droits de l'homme? Et si je commence à citer le ministère des droits de l'homme, la CNDH, qui est le président est ici. Aussi, il y a le ministère de la Justice, il y a l'institution de l'Ombudsman aussi. Toutes ces institutions sont là pour aider et pour avoir comment le droit de l'homme peut avancer. Donc, il y a une grande évolution par rapport aux années passées. Mais que dire de ces rapports qui sont produits par différentes organisations, mais finalement qui sont contestés par le gouvernement? Ce sont des rapports biaisés, donc qui contiennent beaucoup de mensonges, des rapports produits par des personnes qui a des objectifs cachés, des personnes qui voulaient arriver au pouvoir par le voie forcée. Donc c'est pourquoi moi je dis que ces rapports, ce sont des rapports contiennent des mensonges qui concernent ces institutions international comme FIDH. Moi, je ne peux pas parler à ce qui concerne la FIDH. Ce n'est pas des rapports vraiment bien faits parce que ce sont des rapports différents avec la situation sur le terrain. Merci. Je me retourne du côté du président de la CNDH. Ces dernières années, plusieurs rapports produits par certaines organisations ont été contestés par le gouvernement, mais également par la CNDH. Aujourd'hui, la commission que vous présidez vient d'être placée sous le statut B. Tous ces rapports, pourquoi aujourd'hui ces rapports sont contestés alors que ça décrit une certaine situation au Burundi? Oui, je vous remercie. Si, alors, je dois dire que je ne suis pas vraiment qualifié pour m'exprimer sur tous les rapports qui sortent sur le Burundi parce qu'il y en a tellement. Surtout pas le rapport, un rapport par exemple comme celui de Transparency International. Simplement parce que je ne suis pas vraiment très fort dans le domaine, en fait, les domaines dans lesquels Transparence travaille. Mais quand ça parle des droits de l'homme au Burundi, ça vous interpelle? J'en viens. Simplement pour dire que je sais qu'il y a, par exemple, un rapport comme celui de Transparence, en fait, qui est un rapport de perception ou bien qui est basé sur des opinions. Ça veut dire la façon de demander à quelqu'un comment vous vous sentez. Et par exemple, en demandant est-ce que Pacifique, est-ce que vous avez assez d'argent pour pouvoir acheter des choses au marché. Il y a quelqu'un qui a 10 000 francs qui va vous dire qu'il a assez d'argent. Il y a un autre qui a 1 million qui va vous dire « Oh, ici, la pauvreté frappe fort. » Donc, ça dépend, en fait, c'est la perception de chacun, la façon dont il se sent. Et en réalité, même dans le domaine des droits de l'homme, cela existe. Donc, il y a des rapports, en fait, qui ne sont pas basés sur des données factuelles, qui sont basés soit sur des perceptions ou bien sur le récit d'une personne n'est-ce pas, qui n'est pas en quelque sorte contre-vérifié par d'autres personnes, d'autres acteurs, et surtout contre les données objectives qui nous permettent en fait d'avoir la réalité sur le terrain. Alors, ce que je dois dire, évidemment, il y a un certain nombre de rapports qui ont été sortis et qui évidemment contenaient des contre-vérités, ou bien des rapports qui contenaient des informations réelles, mais alors ces informations étaient en fait utilisées à d'autres fins, et ça, cela transparaît généralement à travers les recommandations des rapports. Et je vais donner un exemple, et j'ai vu par exemple des exemples de rapports où quelqu'un va constater, par exemple, une série de crimes, par exemple, en disant telle personne a été assassinée ou bien telle autre personne a été assassinée. Et sur base de ça, il dit que, oh, donc, il faut absolument appeler une enquête de la Cour pénale internationale. Et tout le monde sait, c'est de l'histoire, que, par exemple, dans un dossier comme celui de Thomas Lubanga, ici au Congo à côté, la Cour pénale internationale a pris 8 ans pour se prononcer sur un seul dossier. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un acteur des droits de l'homme qui se veut comme tel puisse, par exemple, appeler une enquête de la Cour pénale internationale dans un dossier qui n'a même pas duré 6 mois, etc. Donc, on se demande quelle est l'intention qui est recherchée. Est-ce que c'est la vérité et la justice, ou bien c'est plutôt l'utilisation, en fait, de certaines informations, bien de certaines données, pour, en fait, assurer d'autres intérêts qui n'ont pas à voir avec la situation des droits de l'homme. Et donc, c'est dans ce sens que nous, de temps en temps, évidemment, on s'est prononcé officiellement sur, évidemment, cette intention, en fait, soit tordre la vérité en utilisant, par exemple, de fausses informations dans certains rapports, ou alors d'utiliser la vérité à des fins qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la justice et surtout l'intérêt d'assurer les droits de l'homme pour toutes les composantes de la société burundaise. Quand on regarde bien l'action de la CNDH, par exemple, on s'est prononcé contre tout rapport, par exemple, qui a une, si vous voulez, une tendance divisionniste avec le peuple burundais, simplement parce qu'on sait que ce genre de rapports, évidemment, ne vont pas aider à bâtir ce pays et en tenant compte, évidemment, des besoins et des aspirations des différentes composantes de cette société. Nous sommes prononcés contre, par exemple, des rapports qui contenaient, évidemment, des informations qui n'était pas vérifié, n'est-ce pas? Donc, nous ne remettons pas en question tous les rapports systématiquement, et ce n'est pas notre rôle d'ailleurs, mais en réalité, ce n'est pas notre rôle non plus de rester silencieux face à des montages qui sont faits contre, n'est-ce pas, les institutions ou le pays en général. Mais et qu'est-ce qui serait derrière ces montages si une fois vous parvenez à détecter certains dans ces rapports? Oui, alors c'est difficile à savoir. Et c'est difficile à savoir. Je présume que parfois c'est peut-être par manque d'expertise, tout simplement, ou par manque de volonté de faire une enquête sérieuse. Ça arrive de temps en temps. On a vu des gens qui viennent et qui s'asseyent à l'hôtel, qui nous appellent ou qui appellent certains acteurs en disant « Je suis dans tel hôtel, venez dire des choses. » Et sur base de ce que les gens ont dit, il va faire un rapport. On a eu un cas comme ça. Et des personnes qui sont venues en disant que, oh, il y a l'insécurité généralisée dans le pays, moi je ne peux pas sortir de l'hôtel. Donc les gens vont venir me dire des choses. Et quand les gens lui disent des choses, en fait, ils considèrent seulement la partie des choses en fait, qui pointe vers des violations, mais jamais la partie en fait, qui pointe vers les efforts qui sont entre faits pour lutter contre ces violations. Et donc, ça, je trouve que c'est en fait des personnes qui n'ont pas, si vous voulez, suffisamment d'expertise et surtout qui ne sont pas bien intentionnées et en ce qui concerne, par exemple, l'objectif des rapports. Étant donné que l'objectif des rapports, en réalité, c'est d'assurer l'éclosion de la vérité et d'assurer la justice, mais surtout la dignité des victimes. Mais rares sont, par exemple, j'ai vu très peu de rapports qui, en fait, se focalisent sur les victimes. Ils se focalisent, en fait, sur les auteurs. Et donc, dans ce cas, on se dit que non seulement c'est une violation de la présomption d'innocence, en fait, qui est un principe universel en matière de droit pénal, mais aussi, en fait, ça montre que l'intérêt, ce n'est pas vraiment la protection des victimes ou encore d'assurer la dignité aux victimes, mais en fait, de chercher, et parfois même des poussées en crâne rasé, donc en insistant pour indiquer que voilà, ceci a été fait par tel ou par tel. Et je prends un exemple très simple. Prenez un rapport comme celui de la Ligue Itéka, c'est un rapport hebdomadaire que je lis régulièrement. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le président de la Ligue. Et même dans le contexte actuel, on est très souvent en contact. Et je me demande comment, par exemple, une organisation peut produire un rapport qui, les trois premières lignes, sont toujours les mêmes depuis 3 ans. Donc, comme s'il n'y avait jamais aucun changement. Et très souvent, il introduit en disant « Ces violations ont été commises par telle personne » avant même d'annoncer le contenu de l'enquête. Et dans ce cas, on se demande quelle est l'intention dans tel rapport. Et quand on lit très souvent, il y a des choses qui sont dedans, qui sont véridiques, n'est-ce pas, mais qui, par exemple, ne sont pas des violations des droits de l'homme. Et d'autres qui sont véridiques et qui sont des violations des droits de l'homme. Donc, mon message, encore une fois, c'est de sortir de cette logique de confrontation, de sortir de la guerre des chiffres et de se dire que chaque fois qu'il y a un rapport qui contient des informations véridiques, nous devons les utiliser, n'est-ce pas, pour corriger, redresser là où il faut, en ce qui est, si vous voulez, d'assurer encore une fois les droits de l'homme pour tout le monde, mais faire attention aussi à la manipulation des chiffres ou des informations, n'est-ce pas, à des fins politiques. Faustin Dikouman, est-ce qu'il y aurait-il des manipulations de chiffres, de faits contenus dans certains rapports produit par les organisations qui suivent de près la situation des droits de l'homme au Burundi? Moi, je dis, pour moi, la façon dont je traite ces rapports, s'il y a un rapport qui sort, moi, j'essaie de le lire attentivement. Je prends du temps de le lire page par page pour bien voir ce qui se dit, pour bien cerner peut-être et ce qui doit être la vérité ou ce que j'ai déjà constaté. Un rapport qui sort des fois, on revient sur les cas connus depuis, les cas connus. Bon, 80%, 75%, on revient sur les cas connus. Je peux donner l'exemple ici, un rapport de la commission d'enquête, quoi, et qui a provoqué beaucoup de polémiques. Si on parle des assassinats, on revient sur l'assassinat du général, tel général, on connaît son nom, tel général, tel ministre, tel parlementaire, tel... Donc, les cas qui nous ont été connus, d'autres à travers les médias qui sont là, des fois. Et puis, au niveau des disparitions forcées, on revient sur le journaliste, par exemple, il y a un parlementaire. Donc, je dis, pour moi, s'il y a un cas, parce que moi, je traite cas par, s'il y a un cas dont je ne maîtrise pas les tenants, les aboutissants ou les contours de l'acte, je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un comme CNDH ou autre commission parlementaire qui peut faire des enquêtes en profondeur pour faire contre un contre-rapport. C'est normalement, c'est comme ça, moi, que j'aborde le traitement de ces rapports. Ça veut dire que si Ligiteka ou quoi, ou ça sortait un rapport, CNDH peut dire sur ces cas, je suis d'accord. Sur d'autres cas, je ne suis pas d'accord. Parce que ceci est ça. Si on a dit monsieur X de telle colline a été assassiné ou a été porté disparu, le cas, il faut avoir un commentaire. Là, je suis d'accord, mais la police est en cours. Peut-être les enquêtes sont en cours, mais au niveau de l'acte, je suis d'accord que la personne est portée disparue ou a été assassinée. Donc, au niveau des auteurs, c'est la rapidité et peut-être de la justice et des enquêtes policières. Parce que vous savez, un jour j'ai dit à quelqu'un de la police, il faut renforcer cette culture de communiquer pour un jour constater que les enquêtes qui sont ouvertes aboutissent. Vous savez qu'ici au Burundi, la police dit des enquêtes sont en cours. Mais ailleurs, un simple assassinat d'une personne, à la fin, le procureur ou l'enquête doit communiquer. Nous avons bien identifié les auteurs. L'enquête a abouti. C'est ça aussi, ça peut renforcer la crédibilité des institutions. Parce que si on dit il y a des actes qui ont été commis, les enquêtes sont en cours, on ne saura jamais l'issue de ces enquêtes. À chaque dossier ici au Burundi, on dit amateur aux attaques. Donc l'enquête a été ouverte. Mais quand est-ce que le procureur, l'autorité ou quoi dira, nous avons identifié ces auteurs? C'est, ou bien la CNDH devait relayer au niveau de la communication, dire au moins ça, nous sommes d'accord et nous avons identifié les auteurs. Mais jusqu'à maintenant, même ces assassinats qui ont été, il est difficile d'identifier les auteurs. Ça, là, ça devient un problème. C'est pour cela que les spéculations commencent, parce que les uns veulent peut-être culpabiliser l'autre cas ou l'autre. Mais quand les institutions sont là, sont fortes, font des enquêtes, on analyse chaque cas par cas. Si c'est 1000 pages, on prend le temps de le lire pour faire un commentaire sur chaque nom. Là, je crois que les choses pourraient avancer. Sinon, des fois, on spécule directement, mais alors que la vérité des faits n'est pas bien documentée pour conclure. Mais le domaine des droits de l'homme est souvent très sensible. Pour un tel rapport produit par une telle organisation qui valide, il y a obligation que tout le monde s'entende sur le même un rapport. Vous savez, on n'empêchera pas une organisation internationale de faire son rapport, mais aussi les institutions chargées de lutte de la promotion des droits de l'homme dans les pays respectifs ont aussi un commentaire à faire. L'essentiel, c'est qu'il faut tendre vers la connaissance de la vérité. De toutes les façons, il y a une vérité là. Il faut les minimiser, mais il y a les cas concrets, vérités qui sont là. Comment, s'ils sont 3 ou 4, au moins traiter, mettre la main sur les auteurs, montrer une volonté de vouloir justement juguler la tendance et aussi de la situation. C'est pour cela que je me dis que quelque part il faut aussi être objectif et aussi essayer d'être courageux, d'affronter le taureau par les cornes, parce qu'au Burundi nous avons les défis en matière de respect des droits de l'homme. Il faut affronter aussi ces défis pour qu'ils sortent, parce que l'amélioration se fera à travers des faits probants et concrets. Merci. Au niveau de la Boko, Pierre Ndouayo, il y a des rapports qui sont produits. Est-ce que vous êtes d'accord du point de vue de, au niveau du CNDH, quand on dit que certains rapports ne véhiculent pas les faits tels qu'ils se sont posés? Merci. En fait, en tant que section nationale de Transparency International, moi je me sens plutôt interpellé par le dernier rapport qui est sorti au mois de février. Sur lequel rapport qui a été cité par le président de la CNDH? Oui, il a cité ça. Et puis, même au niveau du ministère de la Bonne Gouvernance, c'est un rapport qu'on a réfuté. Alors, je voudrais donner quelques éclaircissements. Un, c'est que ce rapport n'a pas été produit par la BOCO, qui est Section Nationale de Transparence Internationale, mais c'est un rapport qui a été établi à base de des rapports qui ont été faits par des institutions qui sont très reconnues, comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine. Il y a des références. Alors, c'est à base de ces rapports de base qu'on devrait peut-être discuter. Est-ce que ce rapport de référence, il est vrai ou faux? Comme ça, on sait dire que... Mais au niveau de la BOCO, quelle est la position? Et la position de la BOCO, c'est que quand un rapport est produit, et pour le contrarier, il faut lire d'abord le contenu, comme le disait Faustin, et puis dire que si ce contenu à la page 10, à la page 20, il y a une... des mensonges qui sont véhiculés, parce que la vérité c'est ça. Comme ça on peut discuter sur le concret. Sinon, si on parle globalement que les rapports sont produits et qu'ils sont faux, là c'est une façon quand même de ne pas affronter la réalité. Le rapport, il faut l'affronter, dire là où il est vrai et dire là où il est faux, page par page. Si on dit que c'est faux à tel endroit, donner la vraie vérité. Alors même pour les rédacteurs des rapports, ce ne sont pas des saints, ils peuvent se tromper. Et si on lui montre la vraie vérité, dans le rapport prochain, il va se saisir, dire que là-bas, on s'était trompé. Alors, c'est tout comme le conseil qu'on pourrait dire. Et d'ailleurs, avant que même les rapports sortent, il y a des avant-projets qui sont produits. Et dans ce que je sais, au niveau de la procédure, et si c'est un rapport qui va sortir aussi au gouvernement, on va alors soumettre le gouvernement pour l'observation. Si il n'y a aucune observation qui est faite, alors les des rapports concluent que ce qu'on avait proposé, c'est acquis, puisqu'il n'y a pas eu de réaction. Alors là, il faut les rapports, si avant de sortir, d'abord, il faut les lire, et s'il y a des mensonges ou des erreurs qui sont contenues, faire la réaction avant, pour que même le rapport qui va sortir contienne aussi les observations de la partie gouvernementale, par exemple. Si il n'y a aucune observation qui est faite et qu'on va se contenter peut-être de dénoncer le rapport qui est déjà sorti, oui, on le dénonce, mais les effets vont alors commencer à courir. Le président de la CNDH s'interroge s'il n'y aurait pas une intention cachée de la part de certaines organisations lors de la production de certains rapports. Quel est votre commentaire? Et comme je le disais, c'est par rapport à quel rapport et par rapport à quelle vérité cachée. Donc si le rapport, par exemple, qui a été produit par Transparency International, on peut dire que le problème réside là-bas, et comme ça on pourrait échanger. Si par exemple pour les rapports qui sont produits par la FIDH, comme on l'a dit, ou par des autres organisations locales comme la Ligue ITECA ou la PRODH, comme on a eu à le souligner, alors on peut dire que ce rapport, le mensonge se trouve à ce niveau. Comme ça, et on peut peut-être voir si la partie gouvernementale a raison où la partie qui a produit le rapport, c'est le rapport soit des organisations nationales ou internationales, s'il y a un mensonge qui est patent, là, le mensonge, c'est toujours le mensonge. Et tout le monde, alors, pourra dire que c'est un mensonge, et s'il y a une vérité qui est là, on va dire que la vérité est là. Mais c'est si rapport, et puis quel contenu exact. Parce que si un rapport sort, on ne peut pas dire que tout est faux ou que tout est vrai. Alors le vrai, il faut l'admettre. Le faux, il faut dire que c'est faux. Comme ça, on va essayer de cheminer vers un rapport qui peut être consensuel. Gérard, au niveau de Falcon, pourquoi certains rapports produits par des organisations internationales ou nationales quelquefois sont contestés par entre guillemets l'autre partie? Ici je cite le gouvernement mais également la CNDH. Merci beaucoup. Il y a l'ingérence des organisations et des pays étrangers qui présentent la situation des droits de l'homme dans notre pays avec des agents cachés dans l'objectif d'aboutir à des intérêts stratégiques. Donc c'est pourquoi j'ai parlé des rapports biaisés, parce que le contenu de ce rapport est tellement différent de ce qui est sur le terrain. Donc je dis comme ça parce que des personnes qui produisent ces rapports, ce sont des personnes qui aident des organisations, mais aujourd'hui qui est radié sur la liste. C'est pourquoi... Qui ne sont pas autorisés à travailler. Oui, qui ne sont pas autorisés à travailler. Ils continuent quand même à produire. Ils continuent à produire des faux rapports pour voir comment ils peuvent arriver à leurs intérêts propres. Donc ici, il y a... Je peux citer un exemple. Déjà, par l'arrestation arbitraire, sans préciser les motifs d'arrestation, tout ça montre que ces personnes qui font ces rapports aient des missions que peut-être que je ne connais pas. C'est que ces rapports ont tendance à exclure notre pays aux politiques internationales. Les personnes qui meurent aussi au cours des accidents suite au règlement de compte sont qualifiées de victimes de violations des droits de la personne humaine. C'est pourquoi que ces rapports sont des rapports contenus des mensonges, parce qu'ils ne différencient pas les camps. L'émission, c'est Mosaïque. Aujourd'hui, nous discutons autour de la situation des droits de l'homme au Burundi. Dans ce studio, nous sommes avec quatre invités. Jean-Baptiste Baliwonekeza, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. Faustin Dikoumana, représentant légal de parole et action pour le réveil des consciences et des mentalités par SEM. Pierre Ndouayo, président de l'association des consommateurs au Burundi à Bouko, et Gérard Hakizimana, représentant les gars de Falcon F, association qui lutte contre le favoritisme et le népotisme au Burundi. Mosaïque. Nous avons de la parole à Jean-Baptiste Baliwonekeza. Aujourd'hui, votre organisation, la CNDH, est placée au statut B. À l'intention de nos auditeurs, que veut dire une telle position? Oui, je vous remercie. Mais je voulais très rapidement, avant d'aborder cette question, rebondir sur un point très important que le porte-parole de la BUCO a mentionné, qui, je pense, est très intéressant pour l'avenir des droits de l'homme au Burundi. Et c'est ce qu'on appelle le dialogue constructif sur les rapports. Mmh. Il a mentionné l'idée, en fait, de mentionner, si vous voulez, ou de donner l'opportunité au gouvernement à chaque fois de donner des observations ou même des réponses si nécessaire, et si possible avant la publication du rapport. Je pense que je dois saluer d'abord cette approche, si c'est l'approche qui a par exemple été suivie par Transparency International. Ce n'a pas été l'approche sur beaucoup d'autres rapports, comme notamment le rapport de l'INIP. J'ai suivi de près la production de ce rapport et le processus de gestion et de sa publication. Et je sais que, par exemple, le gouvernement s'est vu refuser l'opportunité de donner des observations publiquement. Deuxièmement, j'ai suivi aussi, justement, par rapport à d'autres... et à d'autres opportunités, comme par exemple la discussion qui est toujours en cours, malheureusement, entre l'Union africaine et le Burundi sur les observateurs des droits de l'homme africaine. Là aussi, le gouvernement a demandé l'opportunité de donner ces observations, ces rapports qui seraient produits par ces observateurs. Et l'Union africaine, pour l'instant, n'est pas encore confortable avec cette approche. Donc, ça crée en fait des suspicions inutiles et ça détruit le sens même, et, en fait, de ce qu'on appelle le dialogue constructif en droit de l'homme, parce que je pense que c'est la clé, en fait. Et quand on regarde bien, on voit que c'est en fait cela qui a fermé la porte du dialogue avec les mécanismes, certains mécanismes en tout cas des Nations Unies des droits de l'homme, alors que évidemment je pense qu'il faut garder la porte du dialogue ouverte. Et je m'en vais répondre à votre question concernant le statut de la CNIDH. D'abord pour dire, comme je l'ai dit avant, que ça a été une décision injuste, qui n'est pas basée sur des informations véridiques en ce qui concerne notre commission, et parce que, comme vous le savez, les INDH, ça veut dire les institutions nationales des droits de l'homme, sont évaluées sur base du cadre légal qui les gouverne et de leur action. Et donc, c'est ça en fait qui démontre, si vous voulez, l'indépendance de la CNIDH et qui permet de conclure en fait qu'elle continue à opérer en conformité avec ce qu'on appelle les principes de Paris, c'est-à-dire les principes qui gouvernent au plan global les activités des institutions comme la nôtre. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Je l'ai déjà bien expliqué que le fait que la CNIDH tant à perdre son statut A pour aller au statut B, pour nous, nous paraît comme un processus tout à fait normal dans la vie des INDH. Et je crois savoir que parmi les plus de 180 membres des Nations Unies, il y a en fait que 78 en fait qui ont des INDH de statut A. Et d'ailleurs, il y a 120 pays seulement qui ont des INDH du tout. Donc, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de INDH. Mais donc, cela ne veut pas dire. Étant dans le statut A, ça faisait l'honneur quand même au Burundi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est la même chose qu'on, par exemple, en matière d'habillement. Est-ce que si Pacifique porte un joli costume et qu'il porte une jolie chemise, est-ce que ce n'est pas le même Pacifique? En fait, la INDH reste la même. Elle reste fondamentalement la même, dans la mesure où la loi qui nous gouverne va continuer à nous régir. Et cette loi est suffisamment confortable pour continuer à mener les mêmes actions qu'on menait. Mais comme je l'ai précisé... Pourquoi il y a ces paliers, il y a A, il y a B, si finalement, à la fin, c'est la même chose? Oui, alors... Quand on regarde bien, et c'est d'ailleurs ça que je voulais dire que la décision a été injuste, quand vous regardez les autres commissions de statut B, c'est officiel, vous pouvez regarder sur les sites de l'organisation et vous allez comprendre que, par exemple, il y a beaucoup d'INDH, par exemple, qui dépendent du ministère de la Justice. Ce n'est pas le cas pour la CNDH du Burundi. Donc, nous nous faisons notre action indépendamment des injonctions de qui que ce soit. Nous menons notre action en toute indépendance. Il y a des CNDH, par exemple, qui ont des membres qui proviennent directement de l'exécutif. Pour nous, évidemment, tous les membres sont indépendants. Ils sont élus à travers un processus d'ailleurs très complexe, mais qui en fait contribue réellement à assurer l'indépendance de la CNIDH. Alors, quand on regarde de près les accusations en fait qui ont été formulées contre nous, on voit en fait justement le caractère injuste de la décision. Quelqu'un vous dit que vous devez, par exemple, être toujours rimé avec ce que toutes les organisations de la société civile disent, encore qu'elles-mêmes, elles ne disent pas toujours la même chose. Et, par exemple, on vous dit vous devez confirmer qu'il y a un génocide en cours au Burundi. Évidemment, sur base des données objectives que nous recortons et sur le suivi de la situation que nous faisons au jour le jour, nous ne sommes pas en mesure de confirmer qu'il y a un génocide du tout au Burundi. Et je tiens à dire encore une fois que les mêmes organisations qui ont avancé la thèse du génocide se sont rétractées dans un récent article publié dans Jeune Afrique pour dire que, bon, écoutez, le risque de génocide est écarté. Mais avant, ils ne disaient pas que c'était un risque. Ils disaient que le génocide était en cours. Donc voilà un peu le genre d'acteurs, par exemple, avec lesquels nous avons choisi de nous distancer, simplement parce que nous avons pensé qu'il fallait rester dans le cadre de la vérité constructive. Quelqu'un vous dit que vous devez faire une déclaration publique sur votre position concernant le mandat du président de la République. Ce n'est pas une question qui est dans notre compétence, si je parle en termes juridiques. C'est une question qui est dans la compétence d'autres institutions, en particulier l'instance compétente qui est la Cour constitutionnelle. Donc, est-ce qu'il nous appartient de nous prononcer ce genre de questions? Dès qu'on refuse, déjà disent que, oh, donc ça veut dire que vous n'êtes pas indépendant. Quelqu'un vous dit, écoutez, il y a eu tel rapport de telle organisation ou bien de telle équipe. Et qui, ou bien de tels experts, entre guillemets, et qui, en fait, contient des contre-vérités. Mais vous n'avez pas le droit de dire quelque chose sur ce rapport. Donc, carrément, je dis que c'est à la limite une atteinte à la liberté d'opinion, qui est pourtant garantie par le droit international et qui est incarnée par l'Organisation des Nations Unies et toutes les organisations, en fait, qui sont censées observer notre action. Et donc, dans ce cas, je dis, écoutez, si vous voulez une démarche unilatérale, donc, où, en fait, vous dites que, écoutez, tout le monde doit dire la même chose sur tous les sujets, même quand cela ne reflète pas la réalité, écoutez, la CNDH aussi n'est pas préparé à entrer dans cette danse. Donc, qu'est-ce que je dois dire pour conclure? Je disais que c'est donc une démarche qui, évidemment, n'a pas respecté, si vous voulez, l'indépendance de l'institution, qui vise, en fait, si vous voulez, à nous entraîner dans la danse des organisations qui veulent dire des choses qui ne sont pas vraies dans le cadre du Burundi, à des fins que j'ignore, et donc à laquelle nous avons choisi de ne pas participer. Et alors, notre prochaine approche, si vous voulez, ce sera toujours de continuer à mener les actions de protection, de promotion et de conseil, comme on le faisait avant. Et évidemment, de continuer, si vous voulez, à apporter tous les éléments de preuve qui vont permettre finalement aux différents évaluateurs d'être convaincus. Parce qu'il s'agit surtout de pouvoir démontrer, en fait, l'indépendance de la CNDH à travers l'action. Donc, que vous soyez dans le statut A ou B, l'action de la CNDH reste la même. L'action de la CNDH va rester la même et nous allons continuer et encore une fois à couvrir tous les domaines et comme je le disais, la protection, la promotion et le conseil en matière de droits de l'homme et apporter notre voix, n'est-ce pas, sur tous les sujets concernant les droits de l'homme. Faustin Dikoumana, placer la CNDH au statut B, ça ne peut pas influer sur l'action de cette organisation vis-à-vis des évaluateurs. Bon, quand même, si une institution comme la CNDH du Burundi, si elle perd une place, statut A vers statut B, pour nous, bon, il y a un prestige quand même. Parce que en des pays, en développement comme le nôtre, en quête toujours de l'amélioration de l'image, vraiment, la CNDH, c'est l'un des instruments pour la promotion des droits de l'homme et de l'amélioration de l'image de notre pays à l'extérieur. Ça, c'est un aspect. Mais le deuxième aspect, c'est que s'il y a vraiment réellement la volonté de vouloir changer les choses au sein de la CNDH, d'assurer la promotion des droits de l'homme, je crois qu'on peut se remettre de cette situation pour d'abord faire une autocritique, une analyse interne, une analyse introspective par rapport aux actions menées dans le cadre et des opérations régulières, donc des activités régulières de la CNDH. Parce que moi, ce que je dis, c'est que les institutions comme la CNDH sont considérées comme des institutions de contre-pouvoir en matière démocratique. Donc, vous savez, il y a un pouvoir exécutif. Et partout au monde, les pouvoirs exécutifs sont les mêmes. Ils ont tendance à abuser du pouvoir. D'ailleurs, vous savez que les philosophes les mieux avisés disaient qu'il existe dans chaque homme la tendance d'abuser du pouvoir quand il a. S'il n'y a pas de garde-fous, de contre-pouvoirs, c'est un problème. C'est même la logique de l'existence, de la séparation des pouvoirs. Il y a l'exécutif, il y a le parlement pour contrôler l'action gouvernementale. Il y a la justice pour sanctionner. Les institutions des droits de l'homme, comme celle-là, l'ombudsman, sont des institutions de contre-pouvoir. Donc il y a toujours, je dirais, une lutte entre les agents de l'exécutif, des fois auteurs des violations de droits humains, à vouloir justement limiter les actions, même constructives soient-elles, des institutions comme la CNDH. C'est ce combat quotidien. Des fois, alors, il y a les problèmes de tension entre ces institutions. C'est pour cela que des fois, on dit peut-être l'institution a baissé les bras, n'a pas voulu être offensée. Parce que j'ai vu dans d'autres cas où, si la mission, parmi les missions de la CNDH, il y a l'amélioration, donc il y a la protection des droits humains. Si la CNDH devrait sortir, par exemple, un jour un rapport, parce qu'ils ont le droit d'enquête d'une manière indépendante, un rapport sur quelqu'un habit commis par les auteurs de les tenants de l'administration, il faut que par exemple un jour le rapport de CNDH déclenche par exemple, je dirais, la démission de certains membres de l'exécutif qui commettent des violations, pas dans l'affaire pénale mais au niveau de l'administratif, des mesures administratives d'abord à l'endroit des gens qui sont épinglés par des rapports de la CNDH. Et c'est ce qui se fait des fois et cela pourrait garantir et cette contribuer aussi à l'amélioration des droits de l'homme. Et pour dire dans l'ensemble, alors la CNDH du Burundi devrait alors partir de cette situation, faire une analyse introspective, parce que je dis la valeur des institutions, c'est la valeur des personnes qui les incarnent. Tu as beau à faire une institution avec des lois, c'est la valeur des hommes qui les incarnent. Aujourd'hui, la CNDH est incarnée par la présidence de M. Jean-Baptiste. Donc c'est bien lui qui doit faire une analyse par rapport à ce qui se fait, de voir s'il y a à corriger, parce qu'on se corrige en permanence, on essaie d'améliorer. Tout n'est pas rose, ça c'est tout à fait normal. Alors, s'il y a la volonté d'améliorer les choses, de changer, je crois que... et surtout, évoluer dans l'analyse objective des faits. Donc, une institution comme la CNDH, même dans d'autres émissions, il faut évoluer vers surtout l'utilisation réalisation des faits si telle institution ou organisation a produit un rapport. La CNDA, il faut qu'il produise un rapport, contre-rapport, commentaire sur Jacques, par exemple. Sur cet aspect, nous voyons que... C'est pas notre mandat de faire des contre-rapports. Non, je dis que c'est... Je ne dis pas que c'est... Allez-y. Que c'est votre mandat, mais si ça... Si au moins, émettre des observations. Il faut émettre des observations. Parce que... Mais il a dit que ces observations ne sont même pas acceptées publiquement. Qu'ils soient émises. Je dis justement que ces observations... Oui, non, excusez-moi, juste pour préciser, après je vous remets la parole, une petite seconde. Oui, effectivement, de temps en temps, nous avons émis des observations. La réalité, c'est que, comme je l'ai dit, il n'y a jamais un rapport qui est complètement faux. Il y a toujours une partie vraie et une partie qui n'est pas vraie. Le problème, c'est que, en fait, les organisations qui nous ont accusés disent que nous n'avons pas du tout le droit de dire ce qui n'est pas vrai. Donc, nous devons toujours mettre l'accent sur les choses qu'ils acceptent. Donc, dès qu'ils ne sont pas d'accord, ils disent que vous n'êtes pas indépendant. Voilà. Merci. Voilà. C'est ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que si un rapport sort, il contient des faits, des actions, plutôt des actes qui ont été dénoncés. Il doit y avoir un commentaire de la CNDA. Ça, c'est correct ou bien ça, c'est faux parce que ceci et cela. Même le peu de cas alors qui sont mentionnés, qui sont véridiques, il faut des actions concrètes pour juguler ça. C'est ça l'essentiel. Des actions concrètes pour punir leurs auteurs. Je dis un exemple même simple dans la société. Si par exemple, M. X est accusé d'être un soulard, par exemple. Quelqu'un dit, il est soulard parce que je l'ai vu 10 fois entre deux. Il peut dire, tu mens sur le nombre de fois, mais je suis soulard. Tu as dit que je m'en suis soulard 10 fois, mais pour moi, c'est 7. En réalité, c'est 7. C'est 7. Mais le départ est faux. Il faut plutôt arrêter d'être soulard. Il ne faut pas polémiquer sur le nombre de fois que je me suis soulevé. Toi, il faut ce comportement, il faut l'abandonner, il faut l'éradiquer. S'il y a des disparitions forcées, même si on a mentionné 3, 4, 5 qui sont correctes et 2 qui sont fausses, pour moi, ce qui est important, prendre des mesures pour que même les 3 ou les 4 ne se produisent plus. Faire en cadre à ce que l'amélioration soit effective. C'est ça, sinon... Tant que vous avez la parole, nous sommes vers la fin de cette émission. Alors, comment justement faut-il améliorer la situation des droits de l'homme au Burundi? La situation des droits de l'homme pour l'améliorer au Burundi, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une appropriation nationale des stratégies d'amélioration des droits de l'homme. Il faut considérer qu'il faut une conscience que nous voulons promouvoir les droits de l'homme pour l'intérêt de nous-mêmes et non pas pour l'intérêt de quelqu'un de l'extérieur. Là, alors, on acceptera toutes les critiques pourvu qu'on veut avancer. Il y a aussi l'ignorance. L'ignorance des administratifs. Il y a des administratifs qui, notamment au niveau des arrestations arbitraires. Je me souviens, quand on était dans une réunion, il y a un policier qui disait, quand on est en train de sensibiliser les administrateurs sur leur rôle, comment et les pouvoirs qu'ils détiennent par rapport aux arrestations arbitraires, il y a des gens qui disent un administrateur qui n'arrête pas les gens. C'est quel type d'administrateur? Donc il y a l'ignorance de la loi, il y a l'impunité des auteurs, des droits humains, il y a la corruption qu'il faut combattre. Aussi, il faut la coordination de ces institutions, faire une synergie d'action. Il y a CNDH, il y a l'Ombudsman, la commission parlementaire, il y a la société civile. On devait faire une synergie d'action. Échanger les informations. Et éviter surtout les polémiques. Les polémiques. Au moins un jour, CNDH dit. J'invite une réunion de partage d'opinions sur un rapport quelconque. J'invite l'Ombudsman, société civile, en débat sincère sur les rapports qui ont été produits. Sur les cas, on les analyse, on fait un débat. On invite les gens des provinces qui ont été mentionnés. Et on fait un débat sincère sur ces rapports. S'il y a des vérités, on se donne l'engagement de faire évoluer les choses, de changer les choses. Plutôt, au lieu de rester dans les polémiques, essayer de connaître si ce qui a été dit est la vérité. Parce que si on considère que c'est la vérité, on aura une chance de connaître ça et d'améliorer. Il y a alors aussi certains flous juridiques qu'ils font arriver, c'est notamment surtout au niveau des agents chargés et de priver la liberté de gens, notamment au niveau de la police du SNR. Il y a des fois les limites des frontières qui ne sont pas assez claires. Aussi, des civils qui, des fois, qui veulent se substituer aux instances. Et là, ça ouvre la porte aux abus. L'intolérance politique aussi qui est là, il faut la combattre. Le langage politique peut être incendié, qui invite les gens à une intolérance politique. pouvant même aggraver la situation. Aussi une sensibilisation citoyenne sur leur droit. Parce que les gens sont ignorants par rapport à leur droit. Il faut une sensibilisation pour que vraiment les gens puissent être les droits qui les protègent, les lois qui les protègent, notamment à travers la Constitution ou autres cadres légaux qui existent dans notre pays. Merci. Au niveau de la Boko, Pierre Ndouayo, que faire pour améliorer la situation des droits de l'homme au Burundi? Je vois que la chose qu'il faut faire, il faut que les citoyens soient suffisamment éduqués et pour pouvoir contribuer à la défense de leurs droits. Parce que si le citoyen est informé, ces droits ils sont violés, il saura à quel organe les faire prévaloir. Et comme ça sera une façon de montrer si l'organe saisi n'a pas du tout agi dans le sens de la sauvegarde ou la protection de ses droits. Alors, on saura dire que l'organe là n'a pas du tout rempli sa mission. Mais si le citoyen est là, il ne se connaît même pas ses droits, ils sont violés et il ne sait pas les faire défendre. Même les organes, à un certain moment, soit ils peuvent ignorer le cas ou tout simplement, et même s'ils connaissent le cas, ils n'ont pas se saisir d'eux-mêmes. Mais si le citoyen contribue, alors on sera en mesure de faire fonctionner les organes qui sont mis en place. Et aussi, comme le disait Faustin, il faut aussi que les pouvoirs publics sachent qu'ils ont des limites aussi dans leurs actions et n'ont pas du tout abuser leur pouvoir. Et si ils essaient de les abuser, il faut aussi qu'il y ait des organes qui puissent dire que non, là vous avez essayé de dépasser les limites. Et comme ça, avec la contribution de tout le monde, les droits de l'homme peuvent être promus. Mais je voudrais aussi m'exprimer sur le passage du statut A au statut B. Mm-hmm. Et bien que je ne connaisse pas toutes les implications, à notre niveau, la commission quand même c'est burundaise. Si tout ce qui peut contribuer à lui priver les moyens de son action, là, au niveau de la Boko, on ne soutiendrait pas de tout ça. Nous plaidons plutôt à ce que tous les moyens soient mis en œuvre, que ce soit par les pouvoirs publics ou même la communauté internationale, pour pouvoir contribuer à aider les citoyens. Parce que si on la prive les moyens d'action, même si les critiques vont alors augmenter, alors que peut-être ils ont aussi contribué à les priver les moyens. Donc, étant une commission nationale, tout doit être mis en œuvre pour lui donner les moyens d'action. Et comme ça, on pourra peut-être le juger à la tâche. Sinon, si on le prive déjà des moyens, là, c'est les citoyens burundais qui seront aussi pénalisés. Et au niveau de Falcon, M. Gérard Kizimana, que faire? Qu'est-ce que vous proposez pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi? Ma recommandation, si le respect des droits de l'homme, un dialogue franc entre partenaires politiques est nécessaire. Donc, les organisations de la société civile, les institutions gouvernementales, le Burundi nous appartient tous. Dans la recherche de la liberté et le respect des droits, toute personne est appelée à respecter la liberté et les droits de l'autrui. Un dernier mot, Jean-Baptiste Valibonekeza, au niveau de la CNDH, vous êtes un acteur clé pour favoriser le respect des droits de l'homme dans le pays. Quelle est votre contribution en vue d'une amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi? Oui, je vous remercie. Et je voulais encore préciser que, évidemment, nous allons poursuivre et même intensifier notre action dans sur le spectre en fait, des droits de l'homme, les questions de protection, l'assistance aux victimes. Nous allons poursuivre notre action en matière de promotion, de sensibilisation, mais aussi de conseil, et c'est très important, de conseil, surtout envers les institutions de la République. Mais je dois dire que, évidemment, il y a des actions que nous menons, nous, en tant qu'institution, mais il y a des actions, comme mes prédécesseurs l'ont dit, qui doivent être menées en synergie. Et je pense très rapidement à trois ou quatre importants points sur lesquels je vais m'arrêter. L'une des choses, je pense qu'il faut des efforts vraiment pour dissocier les droits de l'homme des aspirations politiques des gens. Ça, c'est, je pense, très, très important parce que j'ai le sentiment que les droits de l'homme, c'est comme si les gens les interprètent comme étant une affaire du gouvernement ou bien une affaire de l'opposition ou bien une affaire de certains supporters. La réalité, c'est que les droits de l'homme, en fait, c'est les droits des citoyens. Et donc, il est important de ne pas... Mais qui a traité cet amalgame, parce que ça a été également évoqué par Parsem que la perception politique, l'appartenance politique peut aussi source de violation des droits de l'homme. Oui, je pense que c'est certains acteurs politiques, je précise certains, et en fait, qui pensent que les droits de l'homme, c'est une bonne à tout faire. Donc, tu peux toujours invoquer les questions des droits de l'homme pour assouvir un agenda politique. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de questions, en fait, qui se posent, qui doivent être résolues au-delà du cadre normatif institutionnel des droits de l'homme. Nous devons les affronter. Et en même temps, nous devons cesser, en fait, d'utiliser la notion des droits de l'homme pour défendre des intérêts autres que les intérêts de la justice, de la vérité et de la dignité des gens. Le deuxième point très important sur lequel je voulais m'appesantir, il faut que nous continuions à faire des efforts dans le cadre du renforcement des institutions, surtout les institutions, justement les pouvoirs publics. Et ça veut dire que nous devons avoir des institutions qui doivent être efficientes, capables et qui répondent en fait aux aspirations de la population dans son ensemble, y compris notamment le secteur de la justice. Nous devons leur doter des moyens suffisants, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent acquitter convenablement de leur mission. Pour finir, je pense que, comme on le dit très souvent, il est très difficile de faire tenir debout un sac vide. La réalité, c'est que beaucoup de nos problèmes en politique, que ce soit dans les droits de l'homme, dans la justice et ailleurs, en fait, on comble sous bassement les problèmes socio-économiques. Ça veut dire qu'il y a des revendications socio-économiques valables, y compris l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès au logement, l'accès à l'emploi pour les jeunes. C'est des préoccupations très importantes. Et en fait, ça crée, par exemple, un champ fertile pour les règlements de comptes, pour les problèmes de conflits fonciers, pour les problèmes, par exemple, de manipulation politique de la jeunesse. Et donc, ma recommandation, c'est de, en fait, continuer à mener des efforts d'ensemble en vue de développer le secteur socio-économique et en suivant une approche basée sur les droits de l'homme. Ça veut dire qu'il ne laisse personne derrière, de sorte que, finalement, avec cette inclusion socio-économique, en fait, nous aurons des réponses, si vous voulez, des répercussions, n'est-ce pas, sur les questions des droits de l'homme également. Je vous remercie. Merci, voilà, c'est la fin de l'émission Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous discutions autour de la situation des droits de l'homme au Burundi. Nous remercions nos quatre invités, Jean-Baptiste Evali Bonekeza, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Mosaïque. Je vous remercie également et je remercie encore une fois les auditeurs de la radio Isangani. Nous disons également merci à Faustin Dikoumana, représentant légal de Parole et Action pour le réveil des consciences et des mentalités parcelles. C'est moi qui vous remercie aussi. Dans ce studio, nous avons comme invité également Pierre Ndouaïo, président de l'Association des consommateurs Burundi, Abuko. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie également. Nous remercions également Gérard Kizimana, représentant les gars de Falcon F, association qui lutte contre le favoritisme et le népotisme au Burundi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et je remercie aussi les invités que nous sommes ensemble. Merci. Au micro, vous étiez avec moi, Pacifique Chubairo, à l'animation de Mosaïque. François Akimana assurait la technique. Jérôme Nyonzima réalisait cette émission. À vous tous qui suivez la radio Isanganiro, nous vous souhaitons de poursuivre l'écoute de nos émissions. Mosaïque.